Chapitre 19, où l'apôtre Saint-Pierre m'achète. L'apôtre Saint-Pierre, en parlant ainsi, me regardait fixement. Je soutins son regard avec une tranquillité parfaite et je répliquai « Je suis à vos ordres, mais je dois vous prévenir que l'état de ma bourse n'est pas tel que vous pouvez le penser. J'ai usé de faim hier dans la forêt pour sortir à mon honneur d'une rencontre qui pouvait tourner mal. Non seulement je n'ai pas les 100 000 écus dont il a été question, mais vos 200 louis sont déjà notablement écornés. « Vous êtes un charmant compagnon !» s'écria Monsieur de Saint-Pierre. Je m'inclinai. Nous descendions à petits pas et toujours bras dessus, bras dessous, la ruelle qui menait à notre auberge du signe de la croix. L'apôtre était de plus en plus aimable. « Il ne faudrait pas me juger, » reprit-il, « par cette misérable petite histoire de la forêt. Puisque vous allez à Paris, vous verrez bien que tous nos gens de qualité font maintenant des affaires. Je me suis mêlé à celle-ci par occasion et pour tuer le temps, dans un pays où les distractions sont rares. Dieu merci, ce n'est pas de l'argent que je demande à un associé, j'en ai pour deux, et mon crédit à la cour fait plus d'un jaloux. Un jeune gentilhomme de votre tournure, qui se présenterait dans le monde sous mon patronage, irait loin du premier coup. C'était vraiment une langue dorée, et malgré mes préventions, je ne l'écoutais pas sans intérêt. La cour, avec cet hameçon magique, on est sûr de prendre les innocents de mon espèce. Songez que j'avais en tout 40 heures d'expérience. Voulez-vous, dis-je, avoir la bonté de me dire en quoi je pourrais être assez heureux pour vous servir ? En vérité, s'écria Saint-Pierre en s'arrêtant court, il s'exprime comme un ange. Dans 6 mois d'ici, chevalier, qui sait, dans 6 semaines, vous me patronnerez peut-être à votre tour, car je me connais en physionomie, vous êtes un prédestiné. Qu'on vous mette seulement à l'étrier et vous galoperez comme un diable. Vous allez comprendre à demi-mot où je me trompe fort, car votre conduite là-bas prouve que vous n'êtes pas un novice. Il s'agit de délivrer une belle captive qui gémit sous la domination d'un tuteur. Monsieur le vicomte ne croyait certes pas si bien dire. Au premier mot, je devinais. « Je suis des vôtres !» m'écriai-je. Il lâcha mon bras. Nous étions dans un étroit carrefour et sous les porches qui nous entouraient, toutes les devantures des échoppes étaient fermées. Le regard que Saint-Pierre me jeta était inquiet, presque menaçant. « Sacrebleur ! » fit-il, employant le juron du pays. « C'est aussi comprendre par trop vite. Est-ce que vous savez de qui je parle ?»« Je m'en doute, et ce qui m'a fait vous répondre un peu vivement, c'est ce que je supputais en moi-même, le poids du tuteur qui fait gémir la belle captive. C'est un tyran de 4 quintaux, pour le moins. »« Ah ça !» fit Saint-Pierre. « Où allons-nous ? C'est de l'esprit, cela, et du plus coquin. Je n'ai qu'à bien me tenir. » « Chevalier, vous ferez fureur à Paris !» Il se rapprocha de moi, après avoir regardé tout autour de lui, pour voir si personne n'était à portée de nous entendre. « L'amoureux, » reprit-il en baissant la voix, « car vous vous doutez bien qu'il y a un amoureux, sorcier que vous êtes, ne regardera pas à la dépense. « Avant tout, » interrompis-je, « la demoiselle l'aime-t-elle ?»« Ah, je crois bien, » répondit Saint-Pierre. « Elle en est folle, tout uniment. Sans cela, je ne voudrais pas mettre même le bout de mon petit doigt là-dedans. En outre, le jeune homme est très bien. Tout ce qu'il y a de mieux, il la rendra heureuse comme une reine. Et qu'y a-t-il à faire ? Il y a à jouer un bout de comédie, comme à la fosse au loup, et 300 louis à gagner en 1/4 d'heure. » Je gardais le silence. « Eh bien, fit l'apôtre, vous ne répondez pas ?» « J'attends vos instructions, mon cher maître. » Il me secoua la main vigoureusement. Mais c'était un fin matois, il gardait de la méfiance. « Entre la Gravelle et Ernée, reprit-il, se trouve un mauvais endroit pour les voitures. C'est un bois qui appartient justement à mon oncle, Monsieur Edoux de Pélédoux. « Ah ah » fis-je. « Alors Mademoiselle de Bois-le-Roi est un peu votre cousine ?»« Beaucoup !» Et de là naît l'intérêt que je lui porte. Ce mauvais endroit dont je parle est Bois-le-Roi, qui se prolonge jusqu'à la Gravelle. Superbe chasse. Il faut que la chaise de ma cousine soit attaquée au Bois-le-Roi ce soir. Le tuteur sera là ? Naturellement. Et j'enlèverai la demoiselle. Ah, mais non, voici enfin un rébus que vous n'avez pas deviné, mon cher chevalier. Vous ferez semblant de chercher aventure. C'est-à-dire que je me déguiserai en voleur de grand chemin, avec sa conscience pour soi, prononça gravement l'apôtre, et un mouchoir sur la figure pour les passants. C'est un métier de grand seigneur. Le mois dernier, monsieur de Chavaroche a joué le même jeu pour monsieur Dumière, entre l'île Adam et Pontoise. Et la chose a réussi ? À souhait, la plus belle noce du monde. Le roi a signé au contrat. Vous ne dites plus rien ? J'écoute. Le reste est simple comme bonjour. Pourquoi se creuser la cervelle à inventer du nouveau, puisque ces bonnes vieilles farces ne manquent jamais leur effet ? Au moment où vous arrêtez la chaise, l'amoureux arrive, et il fond sur moi, avec une vaillance au-dessus de toute éloge. Je prends la fuite, et l'héroïne est sauvée. Ces quelques répliques furent échangées avec beaucoup de gaieté entre l'apôtre et moi. Indépendamment de la recommandation à moi faite par Catiche, acceptez tout ce qu'il vous proposera. Mon instinct me disait qu'il fallait jouer au fin avec monsieur le vicomte. J'essayais, mais en vain, de savoir le nom de l'amoureux qui mettait en usage des moyens si romanesques pour se faire bien venir de mademoiselle Hermine de Bois-le-Roi. En revanche, l'apôtre me donna d'autres détails que je ne lui demandais pas. Hermine quittait la maison de son gros tuteur, qui était un vieux garçon, pour entrer dans la famille de monsieur Thérèt du Coudray, son oncle maternel, frère de l'abbé Thérèt, contrôleur général des finances. Là, elle devait trouver une tante et des cousines. « Vous voyez, ajouta monsieur de Saint-Pierre, que je suis assez bien apparenté. Notre cousin, le ministre, me traite comme son fils, et par lui, je pourrais me pousser où je voudrais. Mais j'ai de l'indépendance dans l'esprit, et je préfère mener la vie à ma guise. Comme je ne demande jamais rien pour moi, mon crédit reste entier au service de mes amis, et je vous l'offre. On juge si je remerciais. En somme, nous étions d'accord. L'affaire devait avoir lieu à la Brune. La chaise n'aurait pour escorte que le vieil écuyer. Je devais agir rondement et même un peu brutalement pour augmenter les mérites de l'amoureux sauveur. La dernière parole de l'apôtre fut celle-ci. Faites bien la leçon à votre bas breton, surtout, qu'il n'aille pas jouer au bâton comme hier. Quoique ce mot fût dit en riant, il me sonna aux oreilles comme une vague menace. Nous nous séparâmes ensuite, monsieur de Saint-Pierre et moi, avec une promesse de nous retrouver le lendemain à Laval, à l'auberge du Cygne de la Croix, où je devais toucher mes 300 louis si bien gagnés. Sur la porte du Cygne de la Croix de Vitré, où je revins tout droit en tâchant de voir clair au-dedans de ma propre pensée, je rencontrai Méto, la petite servante, qui semblait attendre quelqu'un. Aussitôt qu'elle m'aperçut, elle me fit la révérence en étalant sa jupe comme une duchesse. « Par alors !» me dit-elle d'un air mystérieux. « J'ai envoyé Bijou ce chaud de boiré au pot d'étain pour être tranquille avec vous. Ça m'a coûté mes 6 liards. La dame a dit que vous donneriez du gros argent blanc. » Je lui mis dans la main un écu de 3 livres. L'excès de sa joie la fit toute blême. « C'est égal !» me dit-elle. « Je ne mens pas. Je vous montrerai bien quelque chose que vous devinez pas, si vous voulez. » Elle me fit signe en même temps de la suivre, et au lieu de monter l'escalier qui conduisait à ma chambre, elle enfila un petit passage où le jour était très sombre. Le passage menait à un escalier raide comme une échelle, où le jour disparaissait tout à fait. « Où diable me conduisez-vous » demandai-je. « Eh, bon Dieu de Vitré !» me répondit-elle. « Vous le verrez bien tout à l'heure. » Quelques secondes après, elle poussa une porte dont l'ouverture laissa passer une clarté. Elle s'effaça brusquement et me dit « Vous étiez donc plus pressé de voir que de deviner, dame. Vous n'avez point d'esprit pour un chevalier. » Elle descendit l'escalier en chantant. J'entrai, et comme je m'y attendais un peu, je me trouvai face à face avec madame la vicomtesse de Saint-Pierre, qui me tendit son joli front d'un air triste et doux. Je lui avais déjà obéi plusieurs fois de si bon cœur Je fus ici également docile, et je donnais un bon gros baiser de paysan. « C'est cela, » me dit-elle en retrouvant son sourire. « Je vois où nous en sommes avec Mademoiselle Vivette. Vous êtes un cher enfant. Fermez la porte. » C'était un affreux taudis et sale. Quand j'eus fermé la porte, Catiche me prit les deux mains et me regarda dans les yeux. « Je ne suis pas du tout une vicomtesse, » me dit-elle. « Mon métier est de chanter la comédie italienne. J'ai suivi Monsieur de Saint-Pierre parce que je l'aimais. Je n'ai jamais aimé que lui. Aussi je le hais comme je ne pourrais haïr personne d'autre. Je l'ai servi plus fidèlement que je n'aurais dû. Si je le trahis aujourd'hui, c'est à cause de cette fillette qui ressemble à un ange. Il fera d'elle la plus misérable des créatures. Et aussi à cause de vous, il a le dessein de vous assassiner. »